Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, l'histoire sanglante de Michel Fourniret. Accompagné, épaulé par sa femme Monique Olivier, il a constitué avec elle un couple diabolique de serial killers, un phénomène très rare dans l'histoire judiciaire française. À 73 ans, Michel Fourniret purge aujourd'hui sa peine de réclusion à perpétuité. Il finira très beau, probablement ses jours en prison. Il se décrit lui-même comme un être mauvais et dénué de tout sentiment humain. En parcourant son histoire, on ne peut être que d'accord avec lui. Ce qui frappe chez cet homme qui a été condamné pour 7 meurtres et de nombreuses agressions, c'est son absence totale de remords. Il chasse les jeunes filles qui l'obsèdent comme on chasserait du gibier. Il les piège, il les broie comme un prédateur, sans aucune émotion apparente. Elles ont pour prénom Isabelle, Fabienne, Jeanne-Marie, Elisabeth, Natacha, Céline, Manania. 7 jeunes filles de 12 à 22 ans, et peut-être d'autres encore, on ne sait pas. Avec ce tueur en série froid et calculateur, l'horreur est programmée, tout est organisé, prémédité. Lors du procès de Charleville-Mézières en 2008, il va continuer à être odieux et tenter d'imposer sa loi. Alors comme il n'a rien à perdre et qu'il sait que la perpétuité est au bout du chemin, il insulte les avocats, se moque des juges, joue de sa perversité. Ses larmes, ses seules larmes. Il les offre à sa fille et à la fille d'un ami, jamais aux victimes. Le problème, c'est que des individus toxiques comme Michel Fourniret poussent à rendre une justice d'exception, à sortir des clous. C'est une épreuve tant morale que judiciaire. Car enfin, comment un être humain peut-il atteindre ce degré d'abjection? Comment la société peut-elle s'en prémunir? Pourquoi n'a-t-on pas repéré avant l'extrême dangerosité de cet homme, déjà arrêté et condamné dans les années 80? C'est à toutes ces questions que nous tenterons de répondre avec notre invité en deuxième partie d'émission, Stéphane Bourgoin. Auteur de nombreux livres et documentaires sur les tueurs en série, il a suivi le procès Fourniret en 2008 devant la cour d'assises des Ardennes. Il connaît bien la personnalité des serial killers puisqu'il a interrogé pour ses travaux plus de 70 d'entre eux. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Thierry Leclerc, avec le soutien des documentalistes de Radio France et de l'INA. Attachée de production Léa Dupuy-Henquin et Ida Bory, coordination Christophe Barrère, réalisation Coy Nguyen, Jérôme Chélius, Joseph Caraballona, programmation musicale Thierry Dupin, à la technique aujourd'hui Hélène Langlois, Maxime Ingrand. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Le 26 juin 2003, Michel Fourniret rôde à bord de sa fourgonnette aux alentours de Namur, en Belgique. Il repère une adolescente de 13 ans à qui il demande le chemin de l'école. La jeune fille lui montre la direction, mais refuse de monter dans le véhicule. « Ce n'est pas bien de ne pas faire confiance aux gens », lui lance Fourniret. Marie Ascension, la fillette, hésite, puis, voyant l'air contrarié du chauffeur, finalement elle monte dans la camionnette pour lui rendre service. Mais Fourniret la pousse aussitôt au fond de l'estafette et démarre en trombe. Le scénario de l'horreur est enclenché. Heureusement, à 10 km du lieu de l'enlèvement, le véhicule s'arrête à un carrefour. Marie a la présence d'esprit d'ouvrir la porte arrière et réussit à s'échapper. Une femme en voiture passe par là et recueille l'adolescente, choquée. On le serait à moins. Pourtant, Marie n'en a pas encore terminé. Quelques minutes plus tard, la jeune rescapée aperçoit la fourgonnette qui revient. L'homme a sans doute fait demi-tour pour récupérer sa proie. Heureusement, là encore, la conductrice a la présence d'esprit de relever le numéro de l'estafette. Fourniret s'est fait piéger. La camionnette est au nom de Monique Olivier, la femme de Fourniret. Des policiers belges n'ont pas de mal à identifier l'auteur de l'enlèvement et à l'arrêter chez lui en Belgique, tout près de la frontière française. La justice belge n'a jamais entendu parler de cet individu qu'on présente dans les médias comme un homme ordinaire, plus ou moins en bon terme avec ses voisins, comme la majorité des assassins. Michel Fourniret est un forestier français de 61 ans, présenté comme un bon père de famille. Toute la journée, sa maison a été fouillée par la police pour vérifier s'il n'y avait pas de cash. Dans son voisinage, cette nouvelle a provoqué des réactions mitigées. Il n'a jamais eu un geste déplacé envers moi, jamais rien du tout, ni une remarque, ni rien. Il y a eu beaucoup d'ennuis avec tout le monde, alors il en veut à tout le monde. En prison, Fourniret ne parle pas. Il déclare juste qu'il n'avait pas l'intention de violer la petite Marie. Mais en poursuivant leurs investigations, les policiers belges découvrent, grâce à leurs confrères français, les antécédents de ce fameux forestier des Ardennes. Il a déjà été condamné à 7 ans de prison par la cour d'appel de l'Essonne pour plusieurs tentatives d'enlèvement et agression. C'était en 1987. 4 ans plus tard, il a été condamné à 15 mois de prison pour vol et violence. Comme Fourniret ne veut pas parler, les enquêteurs se concentrent sur sa femme, Monique Olivier, qui, elle, va peut-être en dire davantage. Elle est en liberté, mais les enquêteurs ne la lâchent pas. Chaque semaine, ils l'interrogent. Ils vont même jusqu'à poser des micros dans le parloir de la prison quand elle rend visite à son mari. Méthode légale en Belgique, mais strictement interdite en France. Pourtant, la récolte est maigre. Il faut dire que le couple a organisé sa stratégie de défense, genre, s'il te dit ceci, tu réponds cela. Les policiers belges ne savent pas grand-chose de Fourniret, mais ils sentent bien qu'ils tiennent là un gros client. Alors en un an, le couple va passer pas moins de 230 fois à l'interrogatoire, et l'abnégation des policiers finit par payer. Alors que Fourniret est sur le point d'être relâché, l'incroyable se produit. Monique Olivier, qui a peur sans doute de payer pour certains crimes qu'elle n'a pas commis, se met à parler. Oui, son mari s'intéresse aux jeunes filles, et oui, il va jusqu'à les tuer. Ah bon ? Et la voilà qui cite une série impressionnante de prénoms. Magnana, la petite fille de 12 ans qui a disparu à Namur en 1989. Jeanne-Marie, la même année. Et puis aussi une certaine Farida. Et puis Elisabeth et Natacha, Fabienne, énorme. Les policiers sont tellement abasourdis qu'ils se demandent si Monique Olivier n'affabule pas. Quelques jours plus tard, et après les aveux de son épouse, Fourniret craque à son tour. C'est peut-être le visage d'un nouveau tueur en série que la Belgique vient de découvrir aujourd'hui. Michel Fourniret, 62 ans, un Français arrêté il y a tout juste un an après l'enlèvement raté d'une fillette. Un délinquant sexuel déjà condamné, dénoncé cette semaine par sa femme, elle l'accuse de 9 meurtres, il en reconnaît 6 pour l'instant. Prudente, la justice belge organisait aujourd'hui une conférence de presse. Beaucoup d'éléments restent à vérifier, mais le profil du prévenu semble établi. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que le mobile est d'ordre sexuel. Donc c'est une personne qui déclare elle-même qu'elle va à la chasse, qu'elle essaye de trouver des jeunes filles vierges, c'est un peu cela, son fantasme, et qu'après un jour, deux jours, eh bien, il ne sait plus qu'en faire, et à ce moment-là, eh bien, il les tue, il les étrangle généralement, et il les élimine en les enterrant. Policiers belges et français collaborent de plus en plus activement. Désormais, il apparaît que Fourniret, ce délinquant sexuel, a longtemps sévi des deux côtés de la frontière. Peut-être pour brouiller les pistes. En tout cas, l'une de ses anciennes résidences, à Donchéry, dans les Ardennes françaises, intéresse au plus haut point les enquêteurs. Tout de même, c'est bizarre. C'est quoi ce petit château? Une sorte de manoir qui était la propriété du couple? Quand on sait que Fourniret et Olivier ont vécu à d'autres moments dans des maisons très modestes, voire des bâtiments agricoles, on se pose des questions. En tout cas, c'est là, dans le vaste domaine boisé de ce château du Sautou, que Fourniret aurait enseveli, dit-il, 2 de ses victimes, Jeanne-Marie et Elisabeth. Alors branle-bas de combat, de plus en plus présente sur cette affaire de serial killer qui rappelle singulièrement l'affaire du trou, la presse est tenue à l'écart. L'hélicoptère de la gendarmerie, en revanche, survole le château. Mais Jean-Chef, oui c'est le major l'appareil là. Vous prévenez le maire de Donchery. Vous prévenez le maire de Donchery, vous entendez? Vous prévenez le maire de Donchery que si des ossements sont découverts, il faut qu'il soit présent. Et les fouilles commencent, visiblement sans résultat. C'est vêtu d'un gilet pare-balles que Michel Fourniret guide les fouilles à la recherche de 2 corps enterrés il y a plus de 15 ans. Selon les aveux des Fourniret, Elisabeth Brichet serait ensevelie ici dans une couverture à l'arrière du château. Pour la localiser, le forestier désigne une surface d'environ 100 mètres carrés. Il est peu loquace, mais il s'exprime avec beaucoup de calme et de sang-froid, sans émotion apparente. Il a utilisé, dit-il, des tractopelles, ce qui veut dire la possibilité d'un enfouissement aux alentours d'un mètre de profondeur, éventuellement. Fourniret a fait des dessins très précis. Il guide les enquêteurs, leur dit de creuser. Rien. Pendant des heures et des heures, la pelleteuse retourne le parc, en vain. Les policiers finissent par penser que leur homme les mène en bateau. Mais vers 18h, à 3 mètres de profondeur, la pelle de l'engin dégage un bout d'anorak mauve pâle, celui que portait Elisabeth au moment de sa mort. et le corps est dégagé. Quand la petite a été enlevée de l'autre côté de la frontière, elle avait 12 ans, des yeux bleus et de longs cheveux blonds. Dans la foulée, l'autre cadavre est retrouvé, celui de Jeanne-Marie, 22 ans. On aperçoit encore l'adhésif qui couvrait la bouche de la victime. L'enquête vient de faire un pas de géant. Fourniret n'avoue pas tous les meurtres dont l'accuse sa femme, mais il se met à parler. Il donne des détails, des tonnes de détails, sur la façon dont il a traqué ses jeunes victimes. Il raconte comment il a parfois attendu des heures devant une école ou une médiathèque pour repérer, finalement, capturer ses proies. Il appelle ça sa chasse aux vierges. Et il est maintenant intarissable quand il explique comment il a séquestré, violé, puis étranglé ses victimes, le psychopathe accompli. C'est moins de 3 mois après sa sortie de Fleury-Mérogis en décembre 1987 que Michel Fourniret commet son premier enlèvement et son premier meurtre avec la complicité de sa femme. À cette époque, le couple habite dans Lyon. La jeune victime de 17 ans, Isabelle Laville, disparaît alors qu'elle sortait du collège. Tout le département est secoué par ce drame. Les footballeurs d'Auxerre et leur entraîneur Giroud en tête se mobilisent dans les médias. Mais l'enquête policière, qui ne dure que 6 semaines, n'est pas à la hauteur. La justice non plus d'ailleurs. Le parquet classe l'affaire. Et le serial killer passe entre les mailles du filet. Puis le couple déménage dans les Ardennes et ça recommence. Meurtre de Farida, meurtre de Fabienne. Ça n'empêche pas les Fourniret d'avoir leur premier enfant, le petit Selim. Michel, lui, a déjà été père 4 fois. Et Monique a déjà 2 garçons d'une autre union. Au début de l'année 2006, 2 ans et demi après l'arrestation du couple, les policiers belges ont abattu un énorme travail. Et comme les ramifications en France s'avèrent de plus en plus nombreuses, le criminel et sa femme sont extradés. Le 9 janvier, Michel Fourniret est remis par la police belge aux autorités françaises. Il n'aura fallu que quelques secondes au fourgon cellulaire pour s'engouffrer dans la maison d'arrêt. Désormais, c'est en France, à Châlons en Champagne, qu'est incarcéré Michel Fourniret. Extradé ce matin de sa prison belge de Forêt, c'est ici, au poste frontière ardennais de Guédossu, qu'il a été remis aux autorités françaises. De là, il a été conduit à Charleville-Mézières, où il a été entendu pendant près de 4 heures par les juges d'instruction chargés de son dossier. Ceux-ci lui ont notifié sa mise en examen dans 10 affaires criminelles, 6 qui se seraient déroulées en France et 4 en Belgique. Ils lui ont par ailleurs signifié sa mise en détention provisoire d'ici un procès dont on ne connaît pas encore la date, mais qui pourrait se dérouler avant la fin de l'année. Au fil des interrogatoires, les enquêteurs français découvrent la personnalité effrayante de cet homme qui, à la différence d'autres tueurs en série comme Guy Georges, Patrice Allègre ou Francis Holm, n'a pas le profil d'un marginal. Michel Fourniret a toujours été socialement plutôt intégré. Il n'a jamais été forestier, comme il l'a dit au début aux inspecteurs, mais il a exercé plusieurs autres métiers, fraiseur, maçon, menuisier. Michel Fourniret savait jouer et ruser avec son apparence. Aujourd'hui, il se révèle être un personnage beaucoup plus complexe que la simple image de bûcheron un peu rustre que l'on pouvait avoir de lui. Gérard et Jocelyne Cadet sont peut-être les seuls à l'avoir bien connu. Pendant plus de 3 ans, ils ont été très proches, au point d'être choisis comme témoins de son mariage. Aujourd'hui, ils ont le sentiment d'avoir été manipulés. Il n'y a aucun détail qui nous a fait soupçonner quoi que ce soit. Rien du tout. Au contraire, c'était même un gars qui dégageait une certaine intelligence, qui dégageait un certain caractère. C'était un gars qui était propre, toujours bien habillé, courageux, bosseur. Jamais on n'aurait pu penser à un truc pareil. Jamais, jamais, jamais. Jamais, car au premier abord, Michel Fourniret ressemblait à Monsieur Tout-le-Monde. Un homme réservé, mais plutôt sympathique au physique, qui ne laissait rien transparaître. Dans le village de Sainte-Custine, où il a habité jusqu'à son arrestation il y a 1 an, on se souvient d'un voisin intelligent au langage soigné et surtout très besogneux. Il parlait un très beau français, un français très, très châtié. Nous l'avons vu travailler, très travailleur, et qui avait de l'or dans ses mains, comme on dit d'habitude. Hein. Mais on ne savait pas que ses mains avaient servi à autre chose. Une certaine intelligence, disent ses voisins, sûrement, mais une intelligence qu'il consacre tout entière à son art de la ruse et de la manipulation. Il n'est pas fou, tous les experts psychiatres le confirment. Il n'est pas non plus sujet à des pulsions incontrôlables, puisque ses meurtres sont programmés. Oui, oui, ils sont préparés, souvent bien à l'avance, puisque Fourniret est capable de creuser des trous pour ensevelir ses victimes avant même de les avoir traqués. En langage judiciaire, ça s'appelle préméditation. Né en 1942 à Sedan, dans un milieu ouvrier, Michel Fourniret n'est pas très loquace sur son enfance. Son père, qui travaille dans la métallurgie, boit beaucoup, il est souvent absent. Fourniret décrit sa mère comme caractérielle. A-t-il été victime d'inceste dans son enfance, par sa mère? Le doute persiste sur ce point. On retrouve le jeune Fourniret au service militaire durant la guerre d'Algérie, dans les commandos de l'air. Là aussi, on ne sait pas trop quel rôle il a joué, ni ce qu'il a vu. Il se tourne ensuite vers les métiers techniques et devient ouvrier, comme son père. Mais à la différence du paternel, il va se passionner pour les échecs et aussi pour la littérature. Michel Fourniret aime citer les auteurs russes ou Albert Camus. En prison, il va écrire de très longues lettres, pas toujours intelligibles, mais truffées de références. En résumé, Fourniret n'est pas un pédophile assassin comme les autres. S'il est travaillé par une quête obsessionnelle de la virginité, d'ailleurs il se voit en défenseur de la pureté, il peut aussi commettre des actes extrêmement violents, sans connotation sexuelle. Il y a chez lui une volonté d'emprise, de domination. C'est un mégalomane, un grand manipulateur aussi, qui, comme aux échecs, veut toujours avoir deux coups d'avance. Une chose est sûre, il est très conscient de sa nocivité. Tiens, un policier belge qui lui demande s'il a travaillé pour Dutroux, Fourniret rétorque que non, je suis pire que Dutroux. Et face au procureur de Charleville-Mézières, qui a noué une sorte de relation de confiance avec lui, il lâche un jour « Vous savez, monsieur le procureur, de mon procès, personne n'en sortira indemne, même pas vous. » Sur les lèvres, et que l'on tient tous les deux sur un trapèze. On dirait que sans les poings on est toujours aussi balèze, et que les fenêtres nous apaisent. Sur les braises, on dirait que les pirates nous assiègent, et que notre amour c'est le trésor. On dirait qu'on serait toujours d'accord. Traquer les toujours des os et les déesses, goûter aux alentours, souvent changer d'adresse. Ceux qui nous entourent, l'extension de nos corps, quand nous sommes à l'écart, mineurs, chercheurs d'or. Sur les lèvres, et que l'on tient tous les deux sur un trapèze. L'exceptionnelle perversité de Michel Fourniret transparaît dès les années 80 dans la relation qu'il noue derrière les barreaux avec sa future femme, Monique Olivier. Nous sommes en 1987. Fourniret n'est alors qu'un délinquant sexuel tristement ordinaire. Il purge sa peine à Fleury-Mérogis et passe une petite annonce dans le Pèlerin, l'hebdomadaire catholique, où il dit « Prisonnier aimerait correspondre avec personne de tout âge pour oublier solitude ». Et il se trouve qu'une femme qui habite dans le sud de la France lui répond. Elle a 38 ans, elle est divorcée, elle a deux enfants. Elle s'appelle Monique Olivier. La correspondance tourne très vite à l'histoire d'amour. Tu es quelqu'un de bien, de très bien même, lui dit celle qu'il appelle mon tigre, mon cher Khan. Vous savez, comme dans le livre de la jungle. Mais si un gardien avait pris la peine de lire les lettres interminables du cher Khan en question, il aurait découvert bien autre chose qu'une amourette. Car au détour de certaines phrases, Fourniret évoque la possibilité d'enlèvement, sa quête de virginité, on la retrouve, son obsession, et envisage à demi-mot de commettre ses méfaits avec la complicité de sa nouvelle compagne. Une sorte de pacte de sang, de pacte criminel, se noue entre ces deux êtres. Complice et complice très active, Monique Olivier va l'être jusqu'à la nausée. Elle va parfois toiletter, préparer les victimes pour les offrir à son mari, oui, comme une offrande. Ces deux-là semblent avoir été fécondés par une sorte de noce barbare. Et là encore, les voisins du couple, et notamment ses témoins de mariage, n'ont rien vu, rien deviné de la personnalité de Monique Olivier, ou si peu. Disons qu'ils ont vu une femme déprimée, rien de plus. On aurait dit qu'elle avait tous les malheurs. Et puis je sais pas trop si elle n'était pas sous traitement aussi, elle avait dû faire des dépressions et elle était encore un peu sous traitement. Elle devait être certainement les trois quarts du temps un peu... Elle ne parlait avec personne du tout. C'est bien simple, quand on la voit, cette femme-là, on dirait une femme qui a peur là, d'être en contact avec les autres. Avec Monique Olivier, sa femme, et puis bientôt son bébé Céline, Michel Fourniret bénéficie non seulement d'une couverture de bon père de famille, mais aussi d'une aide, d'une complice précieuse. Et leur premier enlèvement et meurtre à deux intervient quelques semaines seulement après la sortie de Fourniret de Fleury Mérogis en décembre 1987. Reste l'argent, car il faut bien vivre, se loger, nourrir l'enfant. Le leur a droit au bonheur, c'est le leur, celui des autres, c'est autre chose. Michel Fourniret a sa petite idée pour subvenir aux besoins de sa petite famille. En prison, il a sympathisé avec Jean-Pierre Elguarche. Ce compagnon de cellule lui a parlé d'un fameux magot, 50 kilos de lingots et de pièces d'or qui proviendraient du fameux gang des postiches, ces braqueurs qui écumaient les banques dans les années 80. Ça ne se refuse pas. Fourniret va être libéré avant Elguarche, en octobre 1987. Et dès qu'il sort, la femme de celui-ci demande à Fourniret de l'aider à déterrer le butin des postiches, enfoui dans un cimetière de la région parisienne. Fourniret tue la femme, s'empare du magot et acquiert, entre autres, le château de Sautou, dans les Ardennes. Un château qu'il revendra à la sortie d'Elguarche, par peur des représailles. Fourniret n'est pas seulement un tueur, c'est aussi un escroc. Le 27 mars 2008, dans une ambiance électrique et un déploiement médiatique exceptionnel, le procès Fourniret s'ouvre à Charleville-Mézières devant la cour d'assises des Ardennes. La foule est chauffée à blanc. À l'extérieur du palais, certains réclament une justice expéditive, voire, pour certains, le retour à la peine de mort. La peine de mort, c'est ce que Fourniret lui-même estime mériter. Oui, il le clame. Il le dessine même. À l'attention du président de la cour, il va faire un croquis. Une sorte d'ascenseur vitré dans lequel il prendrait place. Sur le toit, les familles de ses victimes sauteraient à pieds joints pour faire descendre la cabine juste avant d'arriver sur les pieux qui le transperceraient. Un orchestre, précise le tueur en série, devra jouer un passage de la 9e symphonie de Beethoven, l'hymne à la joie, évidemment. En vérité, Fourniret est partagé entre la volonté de rester au fond de sa cellule et le souci de faire le spectacle, pour tout contrôler. Des dizaines de journalistes de France et venus de l'étranger font le déplacement. Des travaux d'aménagement ont été réalisés, y compris dans la salle de la cour d'assises. 4 caméras ont été installées afin de retransmettre le procès dans d'autres salles. Le box des accusés a lui été sécurisé. Des vitres à l'épreuve des balles ont été posées. Et face au box des accusés, les bancs des parties civiles, les victimes et les familles des victimes vont être prises en charge par une cellule psychologique, et ce tout au long des 2 mois du procès. La structure géante, dressée sur le parvis du palais de justice, va certes accueillir du public, mais aussi et surtout les quelques 260 journalistes et 70 techniciens accrédités pour le procès, plusieurs dizaines de médias venus d'une dizaine de pays. Procès peu ordinaire et président de cour d'assises peu ordinaire également. Gilles Latapie, c'est son nom, n'est pas un homme du sérail. La soixantaine, cet ancien spécialiste de relations humaines a fait carrière dans le privé. Il n'est devenu magistrat que depuis une dizaine d'années. Et c'est son premier grand procès sous les projecteurs des médias. Courtois, plein d'humour, ce magistrat singulier feint souvent la naïveté pour mieux atteindre son but. Sa grande crainte pour le moment, c'est que Fourniret refuse de sortir de sa cellule et que, comme la loi l'y oblige, il soit amené de force au palais de justice. Dans les jours qui ont précédé le procès, Gilles Latapie a visité son prisonnier à la maison d'arrêt de Châlons-en-Champagne. Celui-ci exposait ses exigences. Il est impératif que les jurés soient arrivés vierges à leur mariage, sinon ils ne pourront pas comprendre ma quête de virginité, de pureté. Et voilà Fourniret qui demande au président de faire signer aux jurés un formulaire. « Je suis resté vierge jusqu'au mariage ». Inutile de dire que le juge laisse dire et passe à autre chose. Mais le président Latapie ressort en se disant que Fourniret ne va pas être un accusé facile. Et le tueur en série va effectivement le prouver dès le début du procès. Il quitte la prison de Charleville-Mézières, mais ses contraintes sont forcées. Michel Fourniret a refusé ce matin d'être extrait de sa cellule. Au deuxième jour de son procès, l'accusé tente une nouvelle fois de contrôler l'audience, en vain. Après la lecture des crimes qui lui sont reprochés, il réitère son exigence, un procès à huis clos, où il ne parlera pas. En face, les familles de victimes font bloc, soudées par le même état d'esprit. Le huis clos, c'est pas notre affaire. C'est une mascarade. Il essaye de dominer encore une fois, comme il a dominé ses victimes, il essaye de dominer les familles de victimes. Et j'estime que ce n'est pas normal et nous n'accepterons jamais cela. Il est un peu lâche aussi de ne pas prendre ses responsabilités vis-à-vis de tout ce qu'il a fait. On espère la vérité. On a des doutes sur le fait qu'elle puisse sortir lors de ce procès. On est obligé de l'espérer. L'accusé brandit un panneau sur lequel il a écrit « 108 clos bouche cousue ». Sur les bancs de la presse, les journalistes observent ses grosses mains et son regard acier. À côté de lui, Monique Olivier, que certains experts ont décrite comme très intelligente, paraît bien pâlote. Fourniret n'adresse pas un regard à cette bonne femme dont les propos le font gerber, comme il a dit aux inspecteurs. André Fourniret, le frère de Michel, témoigne. À 78 ans, il est bouleversant. Il dépeint l'accusé en Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Il refuse de renier son frère, mais adresse toute son affection aux familles des victimes. Alors on entend des « merci ». Finalement, c'est Anne, l'un des enfants de Fourniret et Dominique, la fille d'un ami, qui vont arriver à faire parler l'accusé qui, pour la première fois, sanglote. Dominique, peux-tu demander un vrai pardon aux familles ? Fourniret. On ne demande pas pardon pour ce qui est impardonnable. Tout est dit. Le tueur en série accepte finalement de parler, mais le calvaire des parties civiles ne fait que commencer. Les jours qui suivent, Fourniret passe du mutisme à une logorrhée insupportable. Il fait son autoportrait en prédateur cynique et dit « C'est un peu comme un braconnier qui part à la chasse. Il prend un fusil, il sait par le soir s'il ramènera un faisan ou un lapin. » Au cours des débats, il insulte la défense des parties civiles. « Écoutez, ce n'est pas une loque émotive comme moi qui va se laisser impressionner par un petit avocat de merde. » France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le cas Fourniret, nous en parlerons avec notre invité Stéphane Bourgoin, auteur de nombreux livres et documentaires sur les tueurs en série. Il a suivi lui-même le procès Fourniret en 2008 devant la cour d'assises des Ardennes. Nous lui donnerons la parole dans quelques minutes. Même pour les spécialistes des tueurs en série, Michel Fourniret est une énigme. Nous connaissons tous des manipulateurs, dit l'expert psychiatre Daniel Zaguri. Mais chez Fourniret, il s'agit d'une manière constante d'être au monde. Il glace de bout en bout, même quand il pleure. Il fige, fixe l'autre, transformé en statue de sel. Il nous réduit à perdre notre substance et à occuper la seule place qu'il assigne aux autres, celle de ses obligés, ses dominés, ses écrasés. Alors comment juger Fourniret ? L'issue du procès en soi ne fait aucun doute, bien sûr. L'accusé le premier sait que la perpétuité est au bout du chemin. Mais comment le condamner ? Avec quels mots ? Quelles attentions pour les familles des victimes ? Que ça plaise ou non, c'est un être humain, lance l'un des avocats de Fourniret. L'avocat général, lui, s'embarque sur un autre registre, plutôt animalier. Dans son réquisitoire de 5h30, très critiqué le lendemain dans la presse, il traite les accusés de grosses limaces gluantes, d'araignées. Et charge Monique Olivier. Depuis 5 ans, l'avocat général porte ce dossier à bout de bras. « Je n'en peux plus de ces horreurs », dit Francis Nakbar. Alors ce sont des mots que l'on entend rarement dans la bouche d'un magistrat qui tonne aux assises. « Vous êtes des monstres, des fêlés, pauvres malades, à gerber Fourniret, à gerber Monique Olivier. » Mais surprise, l'avocat général redistribue les rôles. Il y a le pitoyable petit Fourniret et à côté la sorcière, l'égérie, la muse du crime. Sans elle, dit le magistrat, rien n'aurait été possible. L'avocat de Monique Olivier a l'impression qu'on a changé de procès. À l'heure du verdict, l'avocat général n'est pas suivi par le jury dans cette distribution des rôles. Le couple est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité réelle pour Fourniret, ce qui est rare en France, perpétuité avec 28 ans de sûreté pour Monique Olivier. Reste une question lancinante et insupportable pour les familles de victimes. Fourniret aurait-il pu être mis hors d'état de nuire plus tôt? Et pour quelle raison, notamment? L'enquête sur le meurtre d'Isabelle Laville en 1987 a-t-elle été bâclée, le dossier classé sans suite? Il est rare qu'un président de cour d'assises avoue qu'il a manqué de courage. C'est pourtant le cas, ici. Je dois avouer que j'ai manqué de courage, a dit dans un livre confession le président Gilles Latapie. J'avais pensé présenter des excuses à la famille Laville au nom de l'institution judiciaire. Pourtant, le moment venu, j'y ai renoncé, me disant que je n'avais pas, moi seul, la surface nécessaire pour ce geste et que les mots que j'aurais pu employer auraient alors semblé dérisoires. Je crois, avec le recul, que j'aurais dû le faire, tout de même. Epilepsy is dancing, she's a Christ now departing, and I'm finding my rhythm as I twist in the snow. Oh, the metal bending me down the brain of my river, oh, the fire was searching for a waterway home. Glitter is love. My eyes pinned inside with green jewels, hanging like Christmas stars from a golden veil. As I came to a screaming, hold me while I'm dreaming, for my fingers are curling and I cannot breathe. Then I cried in the kitchen, how I seen your ghost witching. There's a soldering blue line between my eyes. Cut me in quadrants, leave me in the corner. Sensible aujourd'hui, le cas Michel Fourniret, je dis bien le cas, car c'est un cas. Et nous allons en parler avec Stéphane Bourgoin. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez été plongé vous-même dans l'univers des serial killers à la suite d'un drame personnel, puisqu'un tueur en série a assassiné votre compagne en 1978 à Los Angeles. Il purge encore sa peine de prison. Il est dans le couloir de la mort. Hein. En Californie, la peine de mort est en vigueur, mais on n'exécute pas, je crois. Oui, non pas pour des raisons humanitaires, mais pour des raisons économiques. Parce que ça coûte 8 à 10 fois plus cher d'exécuter quelqu'un que de le garder à vie derrière les barreaux. Ah, sans commentaire. C'est à partir de là que vous avez commencé à enquêter, d'abord à partir de ce drame, puis plus largement sur les tueurs en série. D'ailleurs, j'ai en main le dernier livre que vous avez écrit, qui s'appelle « Qui a tué le Dahlia Noir ?» L'énigme enfin résolue, chez Ring. C'est d'ailleurs un très beau livre avec une très belle maquette, hein, au-delà de ce que vous racontez, de ce tueur en série qui a sévi à partir de 1947 à Los Angeles. On va revenir à notre sujet, notre cas, Michel Fourniret. Première chose, les experts psychiatres ont considéré tous, hein, et on le voit d'ailleurs à travers le récit, à travers ce qu'il a dit, le côté « j'organise, je prémédite », que Michel Fourniret était bel et bien responsable de ses actes. Il n'est pas fou, il a commis ces atrocités en toute conscience. C'est d'abord le premier marqueur de ce serial killer, parce que d'autres sont cinglés et fous, psychopathes. Alors, évidemment, le commun des mortels pense automatiquement que quelqu'un qui a tué 5, 10, 20 personnes, voire plus, doit être fou pour commettre de tels actes. Eh bien non. Dans plus de 98% des cas, les tueurs en série sont reconnus comme totalement responsables de leurs actes. Ils ont des troubles du comportement, ça peut être du sadisme, être des pervers, des psychopathes. Mais la psychopathie n'est pas une maladie mentale, c'est un manque d'affect et de sentiment pour la victime. Le tueur en série va totalement chosifier et dépersonnaliser la victime. Pour lui, c'est une quête de toute puissance et de contrôle. Comme un tueur en série me l'a dit lui-même, qui a assassiné 87 personnes, lorsque je tuais, j'avais l'impression d'être pour la première fois de mon existence en contrôle de ma vie. Je n'étais plus une victime. C'est moi qui décidais. J'étais l'égal de Dieu. Et c'est tout à fait le cas de figure d'un Michel Fourniret. C'est-à-dire cette volonté de puissance pour pallier un manque d'affaires. Il ne s'agit pas de trouver des excuses, hein, mais des explications. Est-ce qu'à travers les interviews que vous avez pu faire de tous ces tueurs en série, vous avez retrouvé ce profil? Il est vraiment un profil dominant, presque total. C'est un profil dominant et quasiment tous, à 95%, sont issus de familles déstructurées où il y a eu des problèmes d'alcoolisme, de drogue, d'abus physiques, psychologiques ou sexuels sur l'enfant. Mais ce n'est pas non plus une excuse, bien sûr, puisque bien vous sûr. Avez des centaines de milliers d'enfants maltraités qui ne choisissent pas, j'insiste bien sur le mot choisir, de devenir des délinquants, voire des criminels ou des tueurs en série. C'est clair. Parler de monstres à propos de personnages comme Fourniret, est-ce que finalement c'est pas un piège? Est-ce que c'est pas non plus ce qu'ils attendent, ces gens-là? Bien sûr. Moi, je ne les qualifie jamais de monstres, parce que c'est un peu les mettre sur un piédestal. Quand on dit l'ogre des Ardennes, le tueur de l'Est oui, parisien... Ils n'appartiennent qu'à la condition humaine et rien de plus. Voilà, ce sont des êtres humains qui ont commis, oui, des actes monstrueux, mais il ne faut surtout pas les surmédiatiser, en faire en quelque sorte des Hannibal Lecter dans la réalité. Quelle serait la particularité de Michel Fourniret par rapport aux tueurs en série qu'on a pu connaître en France et à l'étranger, surtout par rapport à ceux que vous avez rencontrés? Est-ce que c'est un cas spécial ou est-ce qu'il est presque une synthèse? Alors, c'est à la fois une synthèse, mais c'est surtout aussi un cas spécial, puisqu'il tue en couple. N'oublions pas qu'avant que Michel Fourniret soit libéré le 22 octobre 1987, moins de 2 mois plus tard, il tue. Il a fait la connaissance de Monique Olivier et avant, alors qu'il est un criminel depuis 1966, il n'a pas tué. C'est véritablement ce pacte scellé par des échanges de correspondance entre Michel Fourniret et Monique Olivier, c'est-à-dire elle s'engage à lui fournir des jeunes filles vierges et lui, en échange, va tuer l'ex-mari de Monique Olivier, chose qu'il ne fera pas. Par contre. Donc, s'il avait, on ne va pas faire de la fiction, mais s'il avait agi seul, il aurait agi différemment, à votre avis? C'est difficile de refaire. C'est difficile, c'est de la fiction, hein, je sais bien, mais bon. Mais jusqu'alors, il prenait peur assez rapidement lorsque ses victimes, dans les kidnappings qu'il violait, se débattaient ou criaient. Là, il a en quelque sorte cette femme miroir qui va aussi être au volant de la camionnette blanche, c'est le mode opératoire. Lui n'est pas à bord de la camionnette. Il prétend être un autostoppeur qu'elle va prendre un peu plus loin sur la route. C'est elle qui participe aussi au meurtre. C'est elle qui tue la seule victime belge, la petite Elisabeth Brichet. Et toute leur vie intime et sexuelle est marquée par une manière de revivre ces meurtres où elle doit feindre d'être la victime. Mais elle le fait par amour ou elle porte ça aussi en elle, cette dérive, ce manque de repères? Je pense qu'elle le porte en elle et elle y trouve une très forte satisfaction personnelle. Alors une question plus douloureuse peut-être. Dans les années 80, Fourniret donc, a déjà été condamné pour une dizaine d'agressions et viols sur mineurs. Dès cette époque, on connaissait donc sa dangerosité, comme le reconnaît le médecin psychiatre Bardet-Giraudon, qu'il avait examiné au milieu des années 80. On va l'écouter d'ailleurs, et puis on commentera ensuite ses propos. Sa facilité à accepter sa perversion, si vous voulez, son manque de scrupules et de remords, c'est à ce moment-là, je ne parle pas pour la suite, je n'en sais rien, à ce moment-là, prouvait qu'il était susceptible de recommencer. Alors ça pose aussi un problème. Il y a des gens qui commettent des crimes, qui font leur peine de prison. Puis il y a eu un projet, vous savez, la loi de la rétention, hein, qui s'articulait sur la base selon laquelle quelqu'un qui avait purgé sa peine, payé sa dette à la société, pouvait rester potentiellement dangereux. Alors on pouvait laisser en prison, ce qui va complètement à l'encontre de notre droit, de l'esprit du droit, hein, c'est clair. Enfin, comment on fait pour ces gens-là, pour les pister avant, et puis alors là il y a pas d'après, est-ce qu'il sortira pas de prison, mais là il y a un problème. Comment mesurer le degré de dangerosité tout en gardant, tout en respectant la loi et l'état de droit? Il y a des grilles de lecture qui existent dans certains pays anglo-saxons, ça existe au Canada, en Suisse, en Allemagne, et par exemple si cette personne a été jugé délinquant dangereux au Canada et en Suisse, même s'il a purgé sa peine, il ne sortira pas parce que on décide qu'il représente un danger extrême pour la société. Enfin, c'est contestable quand même comme principe. C'est contestable, mais en même temps, on sait par l'expérience que tous les tueurs en série à travers le monde, qui ont été libérés un jour, soit par des vices de procédure ou parce qu'ils avaient purgé leur peine, ont récidivé. À ce moment-là, que fait-on? Peut-être mieux aménager les temps de peine. Peut-être que c'est une réponse, mais enfin, nous ne sommes pas magistrats. Hein. Mais en même temps, ni homme de loi. Aucune psychothérapie, par exemple, Daniel Zaguri, qui a expertisé Michel Fourniret ou Guy Georges, pourrait vous le dire, beaucoup mieux encore que moi, aucune psychothérapie, dans l'état actuel de la science, ne peut protéger la société et l'assurer de la guérison, entre guillemets, d'un tel individu tel que Michel Fourniret. Stéphane Bourgoin, vous avez assisté au procès hein, de Michel Fourniret, donc on va en parler tout à l'heure après avoir écouté ce qu'on écoutait notamment pendant cette année 2008, Santigol. Stéphane Borogoin, vous êtes donc notre invité, puisque nous parlons de Michel Fourniret, du cas Fourniret, que vous connaissez bien, les tueurs en série, pour avoir beaucoup enquêté autour de ce phénomène. Et donc, assez logiquement, vous avez suivi le procès de Fourniret en 2008. Mais alors, avant cela, vous me rappeliez tout à l'heure qu'il reste 500 à 600 scellés qui n'ont pas été exploités, examinés. Je rappelle que il a avoué 9 meurtres, 7 ont été jugés, 2 encore en instruction. Ça veut dire que si on n'a pas exploité les 500 ou 600 scellés, peut-être que ces scellés-là, ces choses-là, pourraient nous dire donner des informations importantes sur peut-être d'autres crimes commis par Fourniret, c'est ça? Bien évidemment. C'est des poils et cheveux prélevés dans sa camionnette qui servait dans son mode opératoire pour kidnapper les fillettes, les jeunes femmes. Et je le sais par Daniel Bourgard, qui a été l'ancien commandant du SRPJ de Reims, qui a travaillé sur l'affaire Fourniret. La camionnette blanche aussi de Michel Fourniret est partie à la casse. Donc, vous savez que tout le monde le sait. La police technique et scientifique, et notamment les techniques de l'ADN, font des progrès gigantesques d'année en année. On pourrait résoudre maintenant beaucoup d'affaires qu'on ne pouvait pas résoudre par le passé, mais régulièrement les tribunaux en France, par manque de place, ont détruit des scellés, alors que peut-être des décennies plus tard, on pourrait résoudre ces cold cases. Donc pour des raisons pratiques. Pour des raisons pratiques. C'est hallucinant. Et aussi, enfin, tout simplement parce qu'ils n'ont pas été préservés dans des conditions adéquates. Ce qui paraît étonnant quand même de la part de la justice et de la police. Enfin, sont en France de bons professionnels, des gens plutôt consciencieux. Ça paraît surprenant. Enfin, c'est comme ça, c'est comme ça. Vous avez donc assisté au procès. Quels souvenirs vous en gardez de ce procès? Premièrement, la chose la plus importante, c'est la dignité et la solidarité des familles de victimes, qui ont toutes été soudées. J'ai très souvent dîné avec elles, puisque je suis cofondateur d'une association de victimes, victimes en série, dont les cofondateurs sont Jean-Pierre Leroy, qui était le papa d'une des victimes, Fabienne Leroy. On avait Gérard Chemla, qui a été l'avocat des parties civiles dans le procès Fourniret. Daïna Le Guénan, une victime survivante de Michel Fourniret en 87. Donc c'est vraiment cette dignité absolue des familles qui n'a pas voulu non plus exprimer de la haine vis-à-vis du couple Fourniret. Il n'y a pas eu d'appel à la peine de mort. Comment vous expliquez, alors qu'il n'y a pas d'appel à la peine de mort, c'est bien parce que la peine de mort n'existe plus, comment on peut expliquer qu'il n'y ait pas de haine chez des gens qui ont été victimes de tels drames? Finalement, ça place l'âme humaine très haut, hein, au bout du compte, quelquefois. Je pense que peut-être il cherchait aussi des réponses à cet acte insensé qui a touché leur enfant, leurs proches. Moi, quand j'étais touché aussi avec le meurtre de ma compagne, j'ai voulu chercher des réponses qu'à l'époque je n'ai pas pu trouver en 78. Le mot serial killer n'existait pas, il n'y avait aucun ouvrage sur le sujet. Donc je me suis dit, moi, ma démarche, ça a été d'essayer de comprendre, d'aller à la source et d'interroger des tueurs en série. Comprendre, c'est alléger sa peine ou pas? Alors, on dit toujours que le procès a une vertu thérapeutique, on dit faire son deuil, ça, franchement, je n'y crois pas. Faire son deuil, c'est bizarre comme expression, elle a été galvaudée, enfin, oui, ça ne veut pas dire grand-chose. Je n'y crois pas du tout, hein. Ça n'a pas été le cas pour moi, je pense que ce n'est pas du tout le cas pour les familles de victimes dans l'affaire Fourniret, mais chercher à obtenir des réponses et surtout militer pour que la justice, les polices françaises et belges échangent mieux des informations qu'elles ne l'avaient fait à l'époque de Michel Fourniret, puisqu'il n'y a pas eu d'échange, par exemple, des casiers judiciaires. À l'époque, il n'y avait pas d'échange non plus des fichiers d'empreintes génétiques, etc. Donc chaque raté d'une affaire criminelle importante permet souvent, sous la poussée et le lobbying des familles de victimes ou des associations de victimes, d'avancer d'un petit pas pour une meilleure résolution. On n'empêchera jamais un futur Michel Fourniret de passer à l'acte, mais peut-être qu'on parviendra à l'arrêter plus tôt. Donc un procès a plus de vertu pédagogique que thérapeutique, en quelque sorte. Oui, pour moi. Alors, le comportement de Michel Fourniret pendant ce procès, il reste impassible. Après 21 jours et le témoignage de plusieurs proches, il finit par fondre en larmes, quand même. Mais à qui s'adresse ses larmes? On ne le disait pas aux victimes. Certainement pas aux familles victimes. Ses larmes s'adressent à lui-même. Il faut comprendre que les tueurs en série s'intéressent à une chose et une seule chose, c'est eux et à personne d'autre. Les victimes sont totalement dépersonnalisées et chosifiées. C'est un outil de leur... Par exemple, de la mégalomanie, de la recherche de puissance qu'on a expliqué tout à l'heure. Oui, j'interroge un tueur en série 20 ans après les faits. Je lui dis... comment faisiez-vous pour vous débarrasser des corps de Marie-Ange, etc. Je citais les victimes et il me répond, tu sais Stéphane, plus de 20 ans après les faits, c'est très difficile de se débarrasser de ces choses-là. C'est ça, ils prennent des êtres humains comme des outils de leur quête de puissance. Voilà. Michel Fourniret a été condamné à, on l'a dit, à la perpétuité. Oh pardon, il me vient une idée que je ne vais pas laisser échapper. On a évoqué le cas du président du tribunal. Apparemment un homme assez remarquable. Absolument remarquable, d'une humanité profonde, toujours à l'écoute des victimes et tentant aussi d'ouvrir ou d'entrouvrir la porte de communication avec un manipulateur, un psychopathe et un menteur tel que Michel Fourniret. Donc le président est dans cette logique d'essayer de comprendre. Tout à fait. Alors il était, au bout du compte, Fourniret était condamné à la prison... à vie. Alors là, pour le coup, j'hésitais sur à vie, mais faut pas hésiter justement, parce que c'est à vie. Pour le coup, c'est une perpétuité réelle. Je rappelle que cette loi a été instaurée en 1994 par le gouvernement Balladur. Elle ne concerne pas que Fourniret en France. Non, il y a au moins un autre tueur en série, celui qu'on surnomme Pierrot le Fou, Pierre Baudin, qui a tué deux adolescentes et une femme en Alsace, qui a été condamné à cette réelle perpétuité sans aucune possibilité de libération conditionnelle, et aussi un tueur pédophile à Moulins-en-Gibert, Christian Beaulieu, même si cette condamnation depuis a été cassée en appel. Alors le phénomène des serial killers paraît effrayant, mais marginal en France aux yeux du grand public. Est-ce que c'est pas une question plus prégnante et plus forte pour le grand public? Qu'est-ce qu'on pourrait bien croire? L'existence de serial killers, le sentiment selon lequel ça n'arrive pas qu'aux autres? Alors, évidemment, tout le monde connaît Michel Fourniret, Émile Louis, Guy Georges... On a l'impression que c'est les histoires des autres, quoi, qu'on raconte des histoires. Oui, mais pas du tout. Mais comme le tueur en série n'existe pas dans le code pénal français, donc il n'apparaît pas dans les statistiques annuelles des homicides. Mais moi, je peux vous dire, au travers des recherches menées avec notre association de victimes, qu'en France, depuis 1999, on a arrêté... identifié, mis en examen ou jugé 153 cas différents de tueurs et de tueuses en série. Ce qui fait quand même un chiffre important pour un pays comme le nôtre. Et ramené aux homicides annuels, les multirécidivistes du crime représentent 12% des homicides. Chiffre plancher, parce que je ne tiens compte que des homicides pour lesquels ils ont été condamnés de manière définitive. Donc à Michel Fourniret, qui a avoué Marie-Ange Domèche et Johanna Parich, je ne tiens pas compte de ces deux meurtres parce qu'il n'a pas encore été jugé. Stéphane Bourgoin, je reviens pour terminer, il nous reste une minute sur ce beau livre là qui a tué le Dahlia noir. Allez, un mot sur le Dahlia noir que tout le monde ne connaît pas forcément. Ça dit quelque chose. Bien sûr, James Ellroy est en ce moment en France pour promouvoir son dernier titre, Perfidia. Il a écrit ce roman sur un cold case, une affaire non résolue de 47. Et moi, j'ai mis près de 18 ans à accumuler des preuves et à trouver que l'individu que j'ai identifié a tué 20 autres personnes entre 1934 et 1950. Et ma théorie a été validée par le FBI qui a accepté d'être cité dans l'ouvrage pour indiquer que j'avais probablement résolu cette affaire. D'où le titre, l'histoire enfin résolue, la plus grande énigme criminelle de l'histoire, dit-on, enfin résolue. Oui, toute dernière question, Stéphane Bourgoin, ça fait combien d'années que votre travail, le champ que vous explorez, celui des serial killers? Ça fait exactement 36 ans que j'interroge des tueurs en série et j'en ai maintenant interrogé 77 à ce jour. Merci en tout cas Stéphane Bourgoin de nous avoir apporté vos éclairages en toute connaissance de cause évidemment, vu ce qu'est votre travail et ce que vous avez vécu également. Merci beaucoup. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le cas Fourniret, tueur en série. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons la polémique autour des colonnes de Buren.